avec une petite spécialité. Ouais. Alors, normalement, les cantatrices sont vraiment sur un bouclier de glaïeul. On n'avait pas de glaïeul, on est désolé, il y a des chardons. Alors, ce sont des documents que tu peux emprunter à la bibliothèque si tu t'inscris. des petits cadeaux. Alors, dans les forêts de Sibérie. Voilà, mais ça, toi, ça sera beaucoup de littérature, c'est un peu chiant. Alors, Jean Giono, voilà. Je voudrais saisir l'occasion de m'adresser à notre directrice qui est ici présente, Madame Claire Zara, pour faire une suggestion. On en avait un peu parlé avec Jean-Baptiste. Moi, je dis que ça serait pas mal si, par exemple, tous les troisième vendredi du mois, on ne pourrait pas faire une séance de spiritisme pour parler à Jean Giono, parce que finalement, il est jamais là et on pourrait faire peut-être des collaborations, je ne sais pas quoi. Et donc, plus sérieusement, dans ce panier, si ça vous dit par ailleurs, quelques disques, quelques références que tu as citées. Bon hiver, oui. Voilà, Jeff Buckley que tu apprécies beaucoup, etc. Donc je le pose là, voilà. Si ça intéresse quelqu'un, jette un petit coup d'œil. Pour ceux qui veulent se mettre à la guitare, il y a des méthodes, il y a tout ça. C'est complet, hein. Tant qu'à faire. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez. Allez-y, dites-moi. Ce qui vient d'abord, c'est la guitare. Voilà, je cherche des enchaînements, je ne suis pas un excellent guitariste, hein, vous allez vous en rendre compte. Si vous connaissez la guitare, vous allez bien. Voilà, j'ai encore du travail, j'ai encore plein de grosses marges de progression. Et je fais tout à l'oreille, donc voilà, je cherche des accords, quand ça s'enchaîne bien et que je suis content du truc, je réfléchis à une ligne vocale. Donc au départ c'est de l'improvisation, je chante un peu en yaourt, une sorte de yaourt en anglais, avec du mot. Et au bout d'un moment il y a quelque chose qui se pose ou pas, si j'écris, enfin j'enregistre rien, si j'oublie la chanson c'est qu'elle était pas bonne. Et si voilà, deux jours après elle est toujours en tête, si elle est toujours dans les mains, si le chant il se pose facilement, c'est que voilà, il se passe quelque chose et. Et donc voilà, après, le morceau est à peu près composé entre la musique et le texte, qui est la ligne en tout cas mélodique de la voix. Et une fois que ça s'est calé, je vais voir ma copine Anne, et puis et on écrit, on essaye d'écrire vraiment en respectant le rythme, le nombre de pieds du yaourt que j'ai trouvé, pour que ça colle vraiment à, voilà, à cette improvisation qui est venue et qui a fait que la voix et la musique se marient assez bien ensemble dans le truc. Enfin, d'après moi. Et puis voilà, une fois que le texte il est écrit, qui respecte ce que j'avais composé avant la voix, je peux le jouer tout de suite après. Je le connais pas par cœur, mais en tout cas, c'est la chanson, elle est bouclée. Ouais. Et là après, parce que. Ouais, vas-y. Entre l'écriture musicale et l'écriture du texte, du coup, genre tu gardes de côté l'écriture musicale jusqu'à ce que tu trouves un texte qui te paraisse. S'accorder avec la musique ? Non, c'est vraiment la voix qui. Quand on écrit, tout est fait en fait. La ligne mélodique vocale, elle est là. Et souvent, au fur et à mesure de faire du yaourt, il y a des mots qui ressortent des fois. Donc, des fois, je pars d'un mot qui est sorti un peu inconsciemment. Souvent, j'arrive avec une idée, ça me fait penser à quelque chose, comme voilà, le truc un peu bossa nova de tout à l'heure. Où ça sonne un peu cool, quoi. J'avais pas envie de raconter un truc triste là-dessus. Donc voilà, souvent quand je vais voir Anne, j'ai une idée. Tiens, on va parler de Nuit debout, ça me plaît, j'ai envie d'écrire un truc là-dessus. Et puis après, c'est une sorte de partie de ping-pong entre elle et moi. Je lui donne des idées, elle me les traduit. Il y a des choses qui sont difficilement traduisibles, ou alors c'est des mots tout pourris en anglais, donc on essaye de trouver un autre biais. Et après, elle m'amène vraiment plein de vocabulaire, et puis plein d'expressions aussi. Si je fais écouter mes textes à un anglais, il pensera peut-être que c'est un anglais qui les a écrits. Après, dans la prononciation, sûrement qu'il va entendre des trucs bizarres, mais. Voilà. Et pourquoi je mets une chanson en français ? Il y en a une de temps en temps, ça serait pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Faudrait que. À un moment, j'ai bossé une reprise de La vie en rose et Piaf, faudrait que je la refasse. Mais. Ouais. ouais, ça me demanderait beaucoup plus de travail. En fait, je suis un peu fainéant. Et c'est voilà. Quand je vais voir Anne, en une soirée on a un texte systématiquement. On travaille 2 heures et on a un texte. Et parce que c'est aussi beaucoup plus direct l'anglais. C'est ça peut être plus facilement premier degré. Si je vous chantais tous mes textes là, il y a certains qui pourraient passer en français, mais il y en a d'autres où vous diriez bon, il s'est pas foulé là. L'écriture en français, ça nécessite beaucoup plus de travail, d'aller chercher des images, des textes à tiroir. Souvent, les beaux textes de chansons françaises, c'est pas premier degré, c'est pas direct. On ne comprend pas forcément le sens tout de suite quand on écoute du Bachou, on se dit mais de quoi il parle. Et c'est ça qui est super beau, c'est ça qui est super dur à faire. Et voilà, ce sera un défi un jour, je pense. Il faudra que je le fasse parce que je suis français et puis. Chouette. J'ai un copain qui était à peu près dans le même genre de projet, qui est parti vivre à New York et depuis qu'il est là-bas, il chante de la chanson française. Peut-être que je fasse ça. Par contre, la voix est travaillée quand même. Ouais, la voix. Tu dis que la guitare, c'est vrai que c'est pas trop top, mais ta voix, ça fait contraste parce que ta voix est quand même travaillée. Ouais, je pense que c'est vraiment ça l'instrument principal du projet. Ouais. La guitare, elle est là en accompagnement. Ouais. Moi je me suis mis à la guitare pour m'accompagner à la voix parce que je chantais d'abord et après j'avais plus de copains et parce que j'étais parti de chez moi et donc je voulais continuer la musique donc je me suis mis à la guitare mais c'était il y a 10 ans à peine et comme je joue pas 3 heures par jour bah ça avance petit à petit et puis voilà, en commençant la musique à 25 ans on peut faire un disque à 35, tout est possible. J'espère qu'à la retraite, je me mettre au piano, je ferai un truc différent, une chanson française, peut-être, pourquoi pas, ouais. Et puis ouais, la voix, après c'est venu avec le travail, quoi. J'ai pas pris de cours, j'ai pas... Après j'ai beaucoup écouté Jeff Buckley, je pense que ça m'a vraiment beaucoup influencé, quoi. Et certains connaissent Jeff Buckley, moi c'est mon grand dieu, j'espère lui arriver à la cheville un jour. Justement, par rapport à toi, est-ce que t'as essayé de l'utiliser différemment? Comment ça? De poser ta voix différemment. On peut choisir sa voix. Ouais, bah là c'est un peu. Enfin, il y a des chansons où je suis sur des registres différents. Je sais que moi je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs registres justement. Le truc en voix de tête à la fin. Chansons où je suis un peu plus dans les graves, d'autres un peu plus dans les aigus, d'autres un peu plus forcées. Après, à la fin des concerts, les gens viennent me dire « Moi, j'ai plus apprécié votre voix quand elle était plus posée dans les graves. » C'est vrai. Je sais pas, t'as préféré quoi ? C'est bien les deux. Il y avait quand même une certaine constance. Ouais. Et, quand ça part, la dernière, je crois, quand tu pars, c'était sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais, après, c'est aussi quand je compose et que la voix se pose, la ligne mélodique, elle se pose aussi assez naturellement, je ne réfléchis pas forcément à ça. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'affiche, j'ai marqué « folk brut ». Oui. Voilà. Pour moi, le côté brut, c'est le côté pas vraiment réfléchi en fait, de la musique. Là. Plutôt une référence à l'art brut qui est fait par des gens qui n'ont aucune référence culturelle auparavant. Et qui sortent quelque chose d'eux sans avoir forcément été influencés par quoi que ce soit. Justement, c'est les tripes, hein, c'est bien. Ouais, voilà. Alors moi, je peux pas dire que j'ai pas été influencé par quoi que ce soit. Je vis pas dans une grotte, voilà. Mais en tout cas, en termes de musique et de composition, comme j'ai pas pris de cours, comme je sais même pas ce que je joue, là, je pourrais pas vous dire si je fais un mi ou un fa. J'aime pas non plus trop travailler de reprise avant. Je connais pas vraiment le langage musical en fait. Et un groupe comme les Beatles, ils ont bossé 2 ans avant à jouer dans les caves de Hambourg, à faire des reprises, à complètement maîtriser le langage de la pop musique. Et après, c'est pour ça qu'ils ont sorti la quintessence et que ça a été le succès qu'on sait. C'est aussi beaucoup pour ça. Quoi. Et voilà, moi j'ai pas vraiment bossé de reprise au début, j'ai tout de suite composé des choses qui sortaient de moi, qui n'étaient pas réfléchies, et puis et la voix c'est à peu près pareil. Merci. Ouais. Merci. On s'arrête là alors ? Comme vous voulez. Bah, merci à vous, c'était vraiment très chouette.